Vous avez tout essayé pour atteindre le bonheur sans succès? Le rayon développement personnel de votre librairie n'a plus de secret pour vous et pourtant, vous êtes toujours aussi triste et malheureux. Arrêtez de vous compliquer la vie et devenez homme politique. Le bonheur selon les politiques, c'est 3% de croissance par an, moins de 5% de chômage, une dégressivité des allocations de retour à l'emploi de 20% au bout d'un an, puis 20% encore après 18 mois. C'est un taux d'imposition des sociétés compris entre 15 et 20%, 30% de charges sociales en moins pour les entreprises, couplé à une baisse de 6% des effectifs de la fonction publique, une immigration à taux zéro, un déficit sous la barre des 3%, une inflation des prix à la consommation de 2% par an avec une progression des salaires proche de zéro. Et surtout, c'est plus de 50% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le bonheur en politique, c'est simple comme un pourcentage.